C'est donc votre heure, votre moment, François Morel. Comme votre... dirait très justement Augustin Trapenard, salut Patrick. Je n'ai pas l'habitude de faire des compliments, ce n'est pas ma fonction. À 8h55 sur France Inter, on attend de l'insolence punk, de l'impertinence, en même temps, si possible, que de la pertinence. Pourtant là, je le dis franchement, je le crie, je le proclame, je le profère. Bravo, félicitations, France Inter. Je vous le dis franchement, j'ai pas réussi à travailler. Impossible de trouver une idée pour ce matin. L'obligation de devoir pondre une chronique alors qu'on est toujours au mois d'août, que j'ai encore des coups de soleil dans le bas du dos, des grains de sable dans les espadrilles et des courbatures dans les articulations à cause du paddle et du kayak. J'ai fait comme une sorte de blocage psychologique. Alors bon, comme j'ai quand même 3 minutes 30 à occuper, j'ai ressorti des notes que j'avais prises au début de la rentrée d'il y a un an et que finalement j'avais pas utilisées parce que sans doute au dernier moment j'avais eu une autre idée. Bon, je le crie, je le proclame, je le profère, bravo, félicitations, France Inter. L'idée d'avoir recruté François Rollin est excellente. Dans le passé, je le dis franchement, peut-être n'a-t-on pas toujours eu la main très heureuse en matière d'humoriste. L'exercice est particulier, des tas de gens de talent s'y sont ébréchés les canines. Ça, c'est une petite coquetterie linguistique que je me permets de temps en temps. Ébrécher les canines à la place de casser les dents. J'aurais pu écrire également briser les chicots, ratiboiser les ratiches. Ça permet, mine de rien, d'améliorer mon style. Ça n'avale pas de baguette. Exactement, ça ne mange pas de pain. S'y sont ébréchés les canines. Oui, beaucoup d'humoristes se sont plantés lors de la matinale, tandis que des animateurs, dont la vocation n'est pas forcément de pratiquer l'humour, se sont révélés être des amuseurs tout à fait excellents. Je pense notamment à Augustin Trapenard et à sa fameuse contrepétrie récurrente. Salut Patrick. Ça pue la trique. Je ne sais pas comment vous faites pour... Quelle vulgarité, excusez-moi. Je ne sais pas comment vous faites pour passer directement de la plage au bureau, des apéritifs qui durent jusqu'à pas d'heure, à des brainstorming survoltés, des grasses matinées crapuleuses, à des réveils matins laborieux. Moi, je n'y arrive pas, il me faut un sas de décompression. Ma chance, moi, c'est que je ne jette rien. Des notes prises fin août 2014 peuvent très bien être recyclées fin août 2015 pour peu qu'elles soient toujours d'actualité. Salut Patrick. François Rollin, je l'aime depuis Tchouk Tchouk Nougat, depuis Palace. Autant vous dire que je suis content de retrouver un vieux compagnon, toujours inattendu, toujours singulier, toujours à l'affût de nouveaux talents, travaillant notamment avec Vincent Dedienne, auquel peut-être une année future, il faudrait penser pour le billet de 8h55, vu que Vincent est tout à fait dans l'esprit et la finesse de François Rollin. Donc, tous mes vœux à François. Je ne doute pas que si des améliorations, des serrages de boulons étaient nécessaires, les responsables, comme il se doit, en parleront franchement à François, à qui je présente tous mes voeux. Voilà, la semaine prochaine, on sera en septembre, j'essaierai de vous écrire une chronique totalement originale. Une chronique neuve. Voilà. François Morel, à vendredi prochain.